La communication, c'est un phénomène de... quoi? D'intelligence. C'est un phénomène qui est vibratoire. C'est pas un phénomène de langage. Moi, ma femme est tellement intelligente, ma femme est tellement intelligente que quand même, je donnerais toutes les raisons contre, là. Toutes les raisons contre, elle va tenir à son point. Elle va toujours tenir à son point. Puis s'il arrive un point entre moi et elle, là, qu'elle est pas capable de tenir à son point, là, elle est tellement dans son intelligence qu'elle va me crisser là. Elle va dire, toi, va-t'en par là avec ces niaiseux-là, puis moi, je m'en vais là-dedans, parce que moi, je suis pas intéressé d'être une sainte. Elle est intelligente à ce point-là. Puis elle est, je sais pas comment ça s'appelle, de Canufel, quelque chose. Fait que moi, dans ce temps-là, je ferme ma crise de gueule. Ça veut dire qu'eux autres, en haut, ils peuvent pas jouer de game entre nous autres. Je suis obligé de donner raison. Même si je sais que dans 3 ans, elle va comprendre des petits raffinements de ce que je veux dire. Au moins, elle va les comprendre dans son temps, mais elle va pas les comprendre en relation avec eux autres qui essayent de nous faire vibrer ici. Parce qu'eux autres, en haut, sont pas capables de nous faire vibrer ici. Désolé, les gens. Demandez à elle si ma femme est intelligente, elle va vous le dire qu'elle est intelligente. Ah, le phénomène de communication entre deux êtres, c'est pas un phénomène de langage. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène dans lequel les mots servent à envelopper des conditions d'entendement pour empêcher qu'il y ait de l'explosion dans la maison. Le gars qui va dire oui, oui, mon nounou, parce qu'il veut pas que sa femme casse une assiette. Ma femme, elle va casser une crise d'assiette. Fait que moi, je vais être obligé de fermer ma gueule. Fait que quand les hommes puis les femmes seront tous les deux dans leur intelligence, il n'y en aurait plus de discussion entre les hommes puis les femmes, puis eux autres en haut, on leur donnera le comme on dit en anglais, the finger. Puis il me le dit, il dit, c'est ça qu'on veut. Parce que quand vous allez être rendu à ce point-là, à vous ne plus occuper de nous autres, à ce moment-là, on va être prêts de nous redescendre en matière. Là, ils vont descendre en matière. Fait que qu'est-ce qui arrive quand eux autres descendent en matière et nous autres, on a des pouvoirs? C'est même ça marche. Fait qu'on sert de cette énergie-là. Les lois de la communication, ça n'a jamais été expliqué à l'homme sur la Terre. Bon, ça a été expliqué à l'homme d'une façon anthropologique. Mais ça n'a jamais été expliqué à l'homme, la communication. Puis il est temps que l'homme commence à comprendre qu'est-ce que c'est de la communication. Parce que si on regarde le phénomène de communication dans le cosmos, du point de vue de l'intelligence, on s'aperçoit de 3 choses. On s'aperçoit d'abord que la communication, c'est la vie. Deuxièmement, que la communication, c'est l'intelligence de la vie. Puis troisièmement, que la communication, c'est la manipulation de la vie sur le plan où elle se situe. Fait que la communication, c'est la manipulation de la vie. Parce que nous autres, on pense que la vie, c'est ce qu'on vit, nous autres. C'est pas ça, la vie. Nous autres, on pense que la vie, c'est parce qu'on grouille, là. On pense que la vie, c'est rien que ce qui se passe dans notre corps physique qui nous fait lever les pattes, puis faire du jogging, puis respirer. La vie, ça va bien plus loin que ça. La vie, c'est de la communication. Point final. Alors, quand la communication se fait, il y a de la vie. C'est ça, de la vie. Quand la communication ne se fait pas, il y a une diminution de la vie. Alors, nous autres, sur le plan matériel, on est affectés à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital, physique. On perd de la vie. On perd des forces de vie. Parce qu'on ne sait pas communiquer. Les gens parlent du verbe, puis du verbe, puis du verbe. Dans les églises, puis les curés. Le verbe, c'est bien plus que ce que les gens pensent. Le verbe, c'est pas seulement au niveau du langage qui donne les 10 commandements. Pourquoi les hommes sont incapables de communiquer dans le sens réel du terme? Parce que les hommes ne sont incapables de savoir qu'ils ont parfaitement raison. Si les hommes étaient capables de savoir qu'ils ont parfaitement raison et qu'ils comprendraient parfaitement leur raison, ils seraient capables de mettre leur raison de côté pour créer une autre condition à la communication. Moi, j'avais parfaitement raison ce soir quand elle est arrivée en retard, mais le point n'est pas là. Le point n'est pas que j'ai parfaitement raison. Parce que le point où j'ai parfaitement raison, c'est le point où moi, je réfléchis la relation entre l'événement et ma vibration intérieure. C'est ça qui me fait savoir que j'ai parfaitement raison. Mais la communication, ça va bien plus loin que ça. La communication, ça va jusqu'au point où, comme moi, j'ai parfaitement raison, je peux y dire après, bon, mais ce sera bon qu'on parte peut-être 15 minutes d'avance, quand on va quelque part, ou une demi-heure d'avance. Fait que s'il arrive des situations, mais on n'est pas en retard. Fait que je donne extension à ma raison. J'en fais valoir ma raison. Mais, d'un autre côté, j'y enlève pas à elle des forces de vie. En l'engueule, hein? Parce qu'aussitôt que je l'engueule, son énergie tombe devant elle comme une batterie. Fait que j'enlève des forces vitales. Puis c'est ça qu'on comprend pas. Puis on est tellement pogné dans l'affaire d'avoir raison, puis on n'est pas capable de voir qu'on peut avoir raison, puis en faire une extension de notre raison dans le temps demain, peut-être que ça sera le temps demain d'en parler de ça, ou après-demain d'en parler de ça. Mais là, c'est pas le temps, parce que t'es dans l'énergie. Fait qu'on veut donner à notre raison la valeur de sa forme. Puis dans le temps où on est, c'est pas le temps. Puis c'est là qu'on fait des gaffes. Puis c'est pour ça que, entre nous autres, on s'enlève de l'énergie. Et automatiquement, on ne peut pas canaliser l'énergie de l'amour. Fait qu'avoir raison, c'est une prise de conscience. Mais avoir raison, c'est totalement sans importance dans le temps où on apprend à avoir raison. C'est après, demain, dans 10 minutes, quand le climat change, quand toi, tu as perdu cette énergie-là, comment est-ce que tu perds? En faisant l'acte d'amour, dans le sens occulte du terme. Là, après ça, quand je dis, ou elle me dit, j'ai dérapé, puis je dis, ah, t'es dérapé, faut que tu fasses attention. Là, ma vibration, elle a tombé, là. Là, je suis plus capable de remonter dans mon feu de tout à l'heure. Parce que là, ma vibration a tombé. Là, je peux dire, mais la prochaine fois, papa, papa. Là, on va le prendre. Mais nous autres, c'est tout de suite dans raison qu'on agit. Et là, notre erreur. Pardon? Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que tu peux agir en colère aussi, parce qu'il faut que tu agisses en colère. C'est pas ça que je veux dire. Laissez-moi parler, vous allez comprendre. Beaucoup la souhaite. Tu peux pas t'enlever le droit à la colère non plus. La colère, ça sert, ça nous dit, des fois. C'est un besoin. Alors, dans le phénomène de communication entre les hommes, c'est là que entre le phénomène de l'amour. Fait que si vous me demandez quand est-ce qu'on va aimer, quand est-ce qu'on va savoir qu'est-ce que c'est l'amour, mais je vais vous dire, c'est quand vous allez pouvoir commencer à communiquer. Quand vous allez pouvoir commencer à vaincre l'inertie de l'intelligence. Que vous allez commencer à aimer, et c'est là que vous allez réaliser comment est-ce que c'est dur en maudit aimer. C'est dur en maudit aimer. Fait que si c'est trop facile aimer, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, c'est jamais facile. C'est jamais facile, l'amour. Laisse-moi venir. Ça va tout être inclus, ces affaires. Aimer, c'est pas facile, ça peut pas être facile, ça n'a jamais été facile, puis c'est pour ça que ça n'a jamais été vécu sur la planète Terre. Fait que le petit gars qui rencontre sa petite blonde, puis qui l'aime, mon nounou, mon toutou, puis qui veut se marier, c'est facile. 2 mois après, ils sont plus ensemble. Parce que c'est facile. L'amour, c'est pas facile. C'est tough en maudit. Parce que ça nécessite une intelligence supérieure, c'est-à-dire une intelligence qui est au-delà de du jeu d'esprit. Et pour aimer, il faut être au-delà du jeu de l'esprit. Il faut comprendre le jeu de l'esprit pour pouvoir aimer. Si tu ne comprends pas le jeu de l'esprit, tu ne pourras jamais aimer cosmiquement. C'est impossible. Impossible. Puis la compréhension du phénomène de communication, ça va très loin parce que c'est un phénomène de vie. Autrement dit, c'est un phénomène qui va vous amener éventuellement à la fusion. Fait que c'est pas un phénomène qu'on peut se dispenser de comprendre ou qu'on peut se dispenser de réaliser. C'est un phénomène qui est essentiel. Alors, essentiel. Parce que c'est le seul phénomène qui existe dans le cosmos qui permet à l'homme de se trouver, de se réaliser éventuellement égal à égal avec eux autres en haut. Un homme qui n'apprend pas à communiquer entre les hommes ne peut pas jouir d'un statut d'égalité avec les forces dans l'invisible. Impossible. Impossible. Fait que si tu peux pas jouir d'un statut d'égalité avec eux autres en haut, t'es dans la merde jusqu'à ton cou parce que l'inertie de l'intelligence va être tellement grande qu'ils te domineront tout le temps. Tout le temps. Fait que s'ils sont obligés de te dominer pendant une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, ils vont te dominer jusqu'à temps que tu pètes complètement ça. C'est ça l'initiation solaire. Un homme ne peut pas et ne doit pas être dominé parce qu'un homme est un porteur de vie. Pas être un porteur de lumière, qui est un porteur d'intelligence. L'homme est aussi un porteur de vie. Mais les hommes qui sont porteurs de vie sont en très petit nombre sur la planète Terre. Parce que pour porter la vie en soi, il faut déjà porter l'intelligence. L'homme, c'est un porteur de vie. Ils n'ont jamais dit ça à l'homme. On n'a jamais su qu'on était des porteurs de vie. On a su de temps en temps qu'on était possiblement, éventuellement, des porteurs de lumière, mais on n'a jamais été dit qu'on est des porteurs de vie. Jamais. C'est avec eux autres qui sont des porteurs de vie. Une des grandes lois de la communication dans le cosmos. Là, c'est parce que vous êtes pogné en vos corps physiques, vous êtes prêt à sortir de cette enveloppe-là. Là. Mais un jour, vous allez en sortir, ou il y en a quelques-uns qui vont sortir de cette enveloppe-là. Puis quand vous allez sortir de cette enveloppe-là, vous allez comprendre pourquoi c'est important à l'homme de réaliser par lui-même tout seul, ce qu'il est. Et l'homme sera ce qu'il aura réalisé. Fait que si t'en réalises gros de même, tu vas être gros de même. Si t'en réalises gros de même, tu vas être gros de même. Si t'en réalises grand de même, tu vas être grand de même. Parce que la grandeur de l'homme est toujours à la grandeur de sa réalisation. Et ça, ça demande qu'il y ait dans l'homme une capacité de vaincre l'inertie de l'intelligence. Parce qu'une fois que l'homme a commencé à vaincre l'inertie de l'intelligence, il a détruit en lui le réseau vibratoire de la mémoire de l'âme. Et un homme ne peut pas entrer dans l'immortalité s'il a moindrement en lui de la mémoire de l'âme. Parce que la mémoire de l'âme, c'est toutes les petites fibres, toutes les petites vibrations, tous les petits rayonnements, tous les petits attachements du passé avec le présent. Et l'homme doit les briser, les rompre instantanément, ces affaires-là. Et pour qu'il les rompe, il faut qu'il soit instantanément dans son intelligence. Et pour qu'il soit instantanément dans son intelligence, il faut qu'il soit totalement capable de vaincre l'inertie de l'intelligence. Parce que l'inertie de l'intelligence, c'est ce qui bloque, c'est ce qui a gardé l'homme depuis des millénaires dans l'ignorance. Et l'inertie, la rupture de l'inertie de l'intelligence, c'est un phénomène humain individuel qui ne peut pas être contractué ou qui ne peut pas être expansionné ou envoyé vers une autre personne. Ça fait partie des vibrations de chacun, ça fait partie de l'évolution de l'ego de chacun, ça fait partie de la capacité de l'ego de réaliser des choses, ça fait partie du tempérament de l'homme, ça fait partie du caractère de l'homme, ça fait partie de l'intelligence de l'ego, ça fait partie de toutes sortes de choses qui font que l'homme demain est un porteur de vie. Parce que c'est plus important pour l'homme d'être un porteur de vie que d'être un porteur d'intelligence. C'est plus important pour l'homme d'être un porteur de vie que d'être un porteur d'intelligence parce que les hommes qui sont porteurs de vie auront la clé à la nature de l'intelligence. Tandis que les hommes qui sont simplement porteurs de l'intelligence sont simplement des véhicules, des réservoirs, des canaux pour la communication interplanétaire. Il y a beaucoup d'hommes, les psychiques, les médiums, qui sont porteurs d'intelligence. Mais ça leur donne quoi, ça? Ça leur donne, eux autres, parce qu'ils ne sont pas des porteurs de vie, ça leur donne de se dévergonder, de se donner, de vouloir changer le monde, puis d'aider tout le monde, puis ainsi de suite, là. Tous ceux qui sont en... qui ont la philosophie du service à l'humanité, c'est des porteurs d'intelligence. Ça va pas de la mort! Ça va pas de la mort! Autrement dit, si t'es pas porteur de vie, tu ne peux pas comprendre les lois de ton intelligence, tu seras asservi à l'intelligence. Puis c'est ça, être spirituel. Puis moi, j'aurais rien à faire avec des gens spirituels, parce que je m'intéresse simplement aux gens qui sont porteurs de vie. Je suis pas intéressé aux gens spirituels. Je veux rien savoir des gens spirituels. C'est plein, sa planète. Ça pullule. Ça pullule. L'homme doit être capable d'affirmer ce qui est dans l'énergie de l'intelligence. Et pour qu'il puisse affirmer ce qui est dans l'énergie de l'intelligence, il faut qu'il soit capable de vaincre cette inertie-là. Et pour la vaincre, il faut pas qu'il y ait d'émotion. Il faut pas qu'il y ait d'émotion. Aucune émotion. Parce que s'il y a la moindre émotion, l'inertie va être là, bloquée. C'est ça, vous n'êtes pas capable de parler. Vous avez trop d'émotions, vous autres. Alors, vous demeurez des porteurs d'intelligence. Parce que la différence entre un porteur d'intelligence et un porteur de vie, c'est ceci. C'est que celui qui est porteur d'intelligence ne connaît jamais les lois de la vie. Et ne connaissant pas les lois de la vie, ne connaît pas les lois de son avenir, ne connaît pas les lois de l'énergie dans son avenir. Et l'homme doit connaître les lois de l'énergie dans son avenir, parce que sinon, il est incapable de se rassurer d'une façon absolue dans le présent que dans l'avenir, il sera à tel endroit, à telle place, et qu'il fera telle chose dans telle condition. L'homme doit être capable de préciser ce qu'il fera dans 200 ans. Dans 15 ans, dans 40 ans. Et quand je dis préciser, je veux dire préciser. Il doit savoir que dans ce temps-là, il portera la vie à telle étape. Il fera telle chose. Il sera complet dans son activité. Et ça, pas attendre dans 40 ans et dans 200 ans, mais il faut qu'il sache tout de suite. Et pour qu'il sache tout de suite, il faut qu'il puisse vaincre l'inertie d'intelligence. Alors, la communication entre les hommes, la relation entre les hommes sur le plan matériel aujourd'hui, c'est une relation qui vous permet justement d'en arriver à vaincre l'inertie d'intelligence. C'est pour ça que j'ai organisé, tout créé le mouvement en fonction de ça pour que les gens se parlent, pour que les gens se rencontrent, pour que les gens s'y. Parce que c'est là que les gens vont découvrir ce fameux phénomène de l'inertie d'intelligence. Ils comprennent. Y a-tu de l'eau, hein, quoi? C'est insuffisant à un homme de savoir qui est sa bonne voie, qui est dans une voie quelconque, qui s'en va quelque part, qui commence à se comprendre. C'est insuffisant à un certain point. À un certain point, l'homme doit connaître sa vie dans l'avenir. L'homme doit pouvoir voir la vie dans l'avenir pour des centaines d'années. L'homme doit avoir une vision totale et parfaite de lui-même. Et c'est ça, porter la vie. C'est ça que ça veut dire, porter la vie. Tu apportes où tu veux, dans le temps que tu veux. Porter l'intelligence, c'est pas assez. Et je sais très bien que parmi vous autres, il y en aura qui porteront l'intelligence, puis il y en aura qui porteront la vie. Il y en aura moins qui porteront la vie que d'autres qui porteront l'énergie. Parce que le phénomène de portée de l'intelligence, ce sera un phénomène mondial avec le temps, parce que la sixième race sera une porteur d'intelligence. Mais pas tous les gens sur la planète Terre porteront la vie. Il y a des étapes dans le phénomène de communication qu'on doit comprendre, pas seulement pour le phénomène ou pour le bénéfice de comprendre, mais pour le bénéfice de nos propres vies matérielles. Nos propres vies matérielles. Et quand je dis nos propres vies matérielles, je veux dire nos vies qui coïncident avec notre avenir. Nos vies qui coïncident avec le développement des événements au cours de notre avenir pour qu'on en arrive un jour à ne plus avoir besoin de travailler. Il faut que l'homme en arrive un jour à ne plus avoir besoin de travailler. Quand je vous dis travailler, je parle en tant qu'esclavage. Moi, je travaille, mais je travaille pas. Mais pour que les hommes puissent vivre et ne plus travailler, il faut qu'ils puissent être capables de communiquer entre eux. Et lorsque les hommes seront capables de communiquer entre eux, ils pourront monter ce qu'ils veulent, même si ce qu'ils montent est totalement à l'extérieur de la société, sur le plan structurel. Et ça sera totalement fonctionnel, parce que ça sera parfaitement intelligent. Alors, le phénomène de communication, c'est un phénomène d'intelligence, et c'est un phénomène qui n'a rien à faire avec l'esprit de l'homme. On est obligé de parler de l'esprit de l'homme, là, parce que l'homme est encore au stade où il se sert du langage pour comprendre la valeur des mots, afin d'avoir une idée quelconque de la nature de son être. Mais un jour, l'homme réalisera que l'esprit de l'homme, ça n'existe pas. C'est une autre forme d'enculement qui nous a été imposée. L'esprit de l'âme. L'esprit, tout le monde parle de l'esprit. Le pape parle de l'esprit, le curé parle de l'esprit. Puis Hitler parlait de l'esprit de la race. Tout le monde se sert du mot esprit. Ça sert à toutes les choses. C'est comme de la nourriture chinoise. Tu peux manger avec un steak et du poulet, ça va avec la même façon. Du poisson, ça va. Tout la même chose. L'esprit de l'âme. Y en a-t-il un qui a me dit qu'est-ce que c'est de l'esprit de l'âme? Ça fait encore partie des lois du langage. Les lois du langage ne sont pas les lois de la communication. Quand les hommes comprendront ça, que les lois du langage ne sont pas des lois de communication, les hommes comprendront qui je suis moi. Quand les hommes comprendront qui je suis moi, ils comprendront ce qu'ils sont, les hommes. C'est plus au niveau du langage, c'est plus au niveau des lois du langage. Si les gens comprennent qui je suis au niveau des lois du langage, ils vont faire une image, puis ils vont faire une médaille de moi, puis je vais la détruire. Parce qu'ils s'enlèvent des forces de vie. Les lois de la communication dans le cosmos sont des lois d'énergie pure et simple. Aussitôt que tu commences à parler des lois de l'esprit, tu commences à créer une enveloppe autour de toi-même. Et aussitôt que tu crées une enveloppe autour de toi-même, tu te coupes de l'énergie. Si tu te coupes de l'énergie, tu n'es plus cosmique. Tu n'es plus cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire, cosmique? C'est encore un autre mot, ça. Cosmique et cosmique, pour moi, c'est pareil. C'est toutes des crises de mots qui font partie encore du langage de l'homme. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire une crise d'affaires cosmiques. Je définis n'importe qui de me dire la différence. Ce sont des mots qui ont été employés, qui ont été développés par l'homme, qui ont été incrustés, qui ont été mis, plantés. Ce sont des implants astrales. Ce sont des implantations astrales, ces mots-là. Ça va pas de la merde. Puis les forces astrales s'en servent à tous les niveaux pour faire quoi? Pour toujours créer une enveloppe autour de l'homme, pour le sécuriser dans une spiritualité quelconque. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'infinité dans son intelligence. Puis tant que l'homme n'a pas d'infinité dans son intelligence, il y a une finité dans son intelligence et une infinité dans l'intelligence de l'homme, c'est son esprit. C'est ça, l'esprit. C'est la finitude de l'intelligence de l'homme, l'esprit. Un homme qui vit dans son esprit, qui vit de la finitude de son intelligence, est automatiquement asservi par les forces de l'intelligence. Automatiquement. Il n'y a aucune liberté dans son intelligence. Et un homme qui n'a pas de liberté dans son intelligence, ce n'est pas un homme complet. C'est une infrastructure de l'homme de l'avenir. C'est pas un porteur de vie. Ça peut être un porteur d'intelligence, mais c'est pas un porteur de vie. L'homme doit être complet dans sa totalité. Ici, il est complet. Ici, s'il change de plan, il est complet. Là, s'il change de plan, il est complet. Là, wherever he is, il est complet. Faut que tu sois complet tout le temps, tout partout. Non, nous, on est complet. On pense qu'on va être complet dans l'éther. Faut qu'on en arrive à être complet partout, même sur le plan matériel. Mais c'est une façon de parler quand je dis qu'on doit être complet sur le plan matériel. Quand je dis qu'on est complet, qu'on doit être complet sur le plan matériel, je veux dire qu'on doit être capable sur le plan matériel de comprendre les lois de la communication. Puis les lois de la communication sont des lois d'intelligence. Puis les lois de l'intelligence ne sont pas des lois de l'esprit. Ce sont des lois vibratoires qui permettent à l'homme de réaliser dans l'avenir, pas dans le passé, mais dans l'avenir, tout ce qu'il doit réaliser. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Alors, automatiquement, il est complet dans une sphère matérielle. Il change de sphère, la même chose, il va plus loin. Ainsi de suite. Pas tous les hommes peuvent être juges. Ça, je suis d'accord. Les hommes ne peuvent pas tous être juges parce que les hommes ne sont pas tous des êtres descendants. Mais tous les hommes doivent être capables de porter jugement sur eux-mêmes. Les hommes ne peuvent pas tous être juges d'un système ou d'une société ou d'une planète ou de quoi que ce soit, ou d'une cosmogénèse, ou d'un environnement multidimensionnel. C'est évident. Parce qu'ils ne connaissent pas toutes les lois parce que leur évolution est limitée. Mais tous les hommes doivent être capables de porter jugement sur eux-mêmes. Et un homme qui n'est pas capable de porter jugement sur lui-même n'est pas capable de se savoir. Et un homme qui ne se sait pas n'est pas capable d'avancer dans le temps. Et un homme qui n'est pas capable d'avancer dans le temps, il est déjà mort dans son esprit. Il reste simplement le détachement de son esprit, son corps matériel, pour retourner dans l'astral. Mais l'homme ne peut pas être juge de lui-même sans qu'il y ait une corrélation dans le phénomène de communication avec les hommes. C'est pour ça que c'est si important pour les hommes de parler avec les hommes. Même si vous parlez avec des gens qui vous cassent les pieds, vous devriez être capable de parler avec n'importe qui, parce que c'est en parlant avec n'importe qui que vous allez pouvoir mesurer ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas parler avec du monde qui font votre travail et qui vous dit « t'es yes man ». Vous dites « oui, t'es bien intelligent, t'es bien simple, t'es bien psychique, t'es bien ci, t'es bien ça ». Il y en a, ils veulent aller parler avec des doux parce que des doux, il n'y a pas de combat. Tu sais, ça va bien. Il est fin, lui. Vous allez aller nulle part avec du monde de même. C'est en parlant avec des têtes de cochon que vous allez avancer. Je vous les indique toutes, les têtes de cochon. Parce que c'est à ce moment-là que vous comprenez les lois de communication, c'est là que vous comprenez les lois d'inertie de l'intelligence. C'est là que vous pouvez prendre la tête de cochon et dire « c'est pas de main! » Fait que si tu es capable de refouler celui qui a la tête de cochon, puis faire prendre une autre conscience, puis pour l'amener encore plus haut dans son intelligence, tu viens de faire quelque chose pour lui, puis tu viens de faire quelque chose pour toi. Puis tu viens de devenir plus intelligent, puis lui, il s'apercevoir qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il pensait. C'est même ça marche. Calice. L'homme n'est pas capable de réaliser, oh, il sait dans son esprit, mais il n'est pas capable de réaliser l'homme que l'homme a été asservi, qu'on a été imposé. Tout ce qu'on a dans notre tête, c'est une imposition. Tout ce qu'on a dans notre tête. Et le seul temps dans la vie de l'homme où il dépasse les lois d'imposition de l'intelligence, c'est quand il a commencé à comprendre les lois de l'inertie de l'intelligence. C'est là qu'on commence à comprendre jusqu'à quel point on est asservi, parce que c'est à ce moment-là que l'homme rentre dans l'impossible. Fait que quand vous êtes à l'intérieur du possible, vous êtes à l'intérieur des lois de l'inertie de l'intelligence. quand tu brises ces lois-là, tu rentres dans l'impossible. C'est là que tu commences à comprendre ce qui se passe. Moi, je peux pas vous transmettre ce que je sens, ce que je sais. Je suis pas capable. Ça se fait pas. Ça se fait dans ma gueule. Rien que comme ça, je peux le faire. En criant, puis en sacrant, puis en pétant. Ça. Mais vous autres, il faut que vous viviez d'après votre propre expérience. Selon votre propre nature. La puissance de l'astral est très forte chez l'homme. Et la puissance de l'astral conditionne notre intelligence. De sorte qu'éventuellement, l'inertie de notre intelligence est en directe relation avec cette énergie-là, astrale. Puis l'énergie astrale, c'est pas une énergie émotionnelle comme vous pensez. Puis c'est pas une énergie mentale comme vous pensez. L'énergie astrale, c'est un rayonnement d'énergie. C'est des couches d'énergie que la lumière ne peut pas passer à travers. C'est des couches d'énergie de même. Qui vous protège, même. Il y a des bons côtés à ça. Mais quand t'es rendu que t'as plus besoin de protection, c'est là que tu fais sauter cette énergie-là. Mais faut que t'en arrives à plus avoir besoin de protection. Les gens qui me demandent dans les séminaires, comment est-ce que je devrais me protéger? Ben, je dis, prends de la poudre, mets-toi ça ici. Protéger. Le gars veut se protéger de la mafia, puis il engage un gars de la mafia. C'est pour ça que ça se discute pas de l'intelligence. Ça se discute pas de l'intelligence. Ceux qui l'ont, ceux qui ont la sensibilité et qui ont la vibration pour l'apprendre, ils apprennent. Ceux qui l'ont pas, sont obligés de tomber à côté, ça se discute pas de l'intelligence. C'est supra-rationnel d'intelligence. C'est du pouvoir d'intelligence. Il est en maudit qu'il descend de sa planète Terre, ce pouvoir-là. Conscience supramentale. Je m'en fais sauter au robinet d'eau bien vite, là. Je commence. Conscience supramentale. T'as du grand monde comme au robinet d'eau qui ont fait des œuvres extraordinaires. Mais c'est pas assez! On peut plus vivre des autres. On ne peut plus vivre de ceux qui écrivent, puis on ne peut plus vivre de ceux qui parlent. On doit vivre de nous autres. Malheureusement, il faut toujours qu'il y en ait un qui parle ou qu'il y en ait un qui écrive. Sans ça, on ne pourra pas savoir ce qui se passe. On craquera avant le temps. Mais une fois qu'il y en a un qui a parlé ou qu'il y en a un qui a écrit, les gens devraient être assez capables, assez habiles de rentrer dans leur intelligence pour aller de leurs propres ailes. On ne peut plus vivre des autres. Faut qu'on en arrive de vivre de nos propres forces. C'est pour ça faut qu'on en arrive à passer le stade d'être des porteurs d'intelligence et devenir des porteurs de vie. Faut qu'on en arrive à ce stade-là. Moi, je regarde dans ma tête. Là, je regarde dans ma tête. Là, là il me parle, lui-là. Là. Il me parle. Puis j'essaie de voir la division entre lui puis moi, puis il n'y en a pas, puis des fois il y en a, puis des fois il n'y en a pas, des fois il y en a, puis pis c'est le même. Faut qu'on comprenne la dualité puis l'unité dans l'homme. C'est pour ça que je dis que nous autres, on doit être des porteurs de vie. Pourquoi est-ce que je dis qu'on doit être des porteurs de vie? Parce qu'on doit en arriver à avoir une conscience ou une intelligence suffisamment parfaite pour pouvoir vivre, réaliser l'unité en soi, après qu'on ait réalisé la dualité. C'est là que le pouvoir commence à descendre, lentement. Mais on est tellement intoxiqué par nos sens qu'on n'est pas capable, de faire la liaison entre l'unité et la dualité. On n'est pas capable d'être un, puis être deux, puis être un, puis être deux, puis être un, puis être deux, puis être un, puis réaliser que c'est simplement un changement vibratoire qui nous permet d'être deux ou d'être un. On n'est pas capable. On est soit toujours deux, où on est dans l'inconscience du un, on n'est pas capable d'être, de fonctionner. C'est pour ça qu'on n'a pas de conscience de notre vraie personnalité. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de porter ces forces de vie-là. Puis on n'est pas capable éventuellement de s'en servir. Il faut qu'on s'en serve, ces forces de vie-là. On n'est pas sur la terre pour eux autres, Christ. On est sur la terre pour nous autres. On est sur la terre pour nous autres. Moi, je suis sur la terre pour moi. Je suis venu ici pour moi. J'ai voulu venir ici pour moi. J'avais une raison pour ce que je suis venu ici. Je retournerai chez nous après. Mais ça fait mon affaire de venir ici. Mais, pour le savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on réalise pas? On réalise pas que quand on a vécu l'inertie de l'intelligence, on parle pour soi. Et tout ce qui sort de notre bouche, c'est pour soi. Ceci veut dire que tout ce qui sort de notre bouche n'a jamais été dit. Quand on a vécu l'inertie de l'intelligence. Et quand on dit quelque chose qui n'a jamais été dit, il se passe deux choses. On est déjà dans l'immortalité, puis deuxièmement, on est quoi? Hein? L'autre chose. Créateur. Exactement. On est créateur. Mais nos sens, le fait qu'on est dans une enveloppe matérielle, on a de la difficulté à réaliser qu'on est créateur. C'est quand on sort de ce garage-là qu'on réalise qu'on est créateur. Mais on devrait être capable de le réaliser avant, parce que si on réalise avant qu'on est créateur, à ce moment-là, on est capable de fonctionner sur le plan matériel avec force, avec puissance, avec radiation. Il faut que les hommes fonctionnent par radiation. Quand tu parles à du monde, quand tu parles à quelqu'un, il faut que tu changes son esprit. Ce que tu as à changer son esprit, c'est de parler. Si tu dis de parler, tu perds ton temps. Tu jambes. Faut que je fasse mon petit set. J'ai mal au ventre. La prochaine fois, je vous suggère d'apporter vos toilettes portatives. Il y en a qui chétinent, ils en vendent. En plastique. Ça sert de petit bain, même. Bon, mais je vais pas attendre après ceux qui se meurent. Là. Je vais continuer. Attendez-vous dans les toilettes. Des plantes qui n'en sortent pas. C'est relaxant. C'est relaxant, toi. Hein? Je veux continuer dans le phénomène de la densité de l'intelligence. Ce qui empêche l'homme, c'est tellement universel, c'est tellement fondamental à la vie, le phénomène de la densité de l'intelligence, que c'est justement cette condition de l'esprit de l'homme qui empêche l'homme, sur le plan matériel, d'être heureux. Ce qui nous empêche d'être heureux dans la vie et de faire ce qu'on veut faire dans la vie, c'est justement à cause de la densité de l'intelligence. Si on va sur un plan extrêmement matériel, comme le plan du travail ou le plan de la finance, c'est lié au phénomène de la densité de l'intelligence. Un homme qui n'est pas prisonnier de la densité de l'intelligence ne peut pas faire autrement que de s'enrichir matériellement. Il peut pas faire autrement parce que il a à la fois la volonté, l'intelligence et l'amour. Autrement dit, il travaille avec les trois principes simultanément. Et alors, s'il travaille avec les trois principes simultanément, il se crée une vie matérielle qui est très stable, comme il se crée une vie mentale qui est très stable, comme s'il se crée une vie émotionnelle qui est très stable, et ainsi de suite. La pauvreté dans le monde est due au fait que les gens sont prisonniers à un très fort niveau de cette condition de l'homme qui est l'inertie de l'intelligence. Et même si on réalise le phénomène d'un point de vue philosophique, parce qu'on le lit dans un livre ou quelqu'un en parle, c'est pas par le biais de l'intellect ou par le biais de la philosophisation du concept qu'on peut en arriver à détruire cette inertie-là. L'inertie de l'intelligence, c'est le conditionnement planétaire de l'homme. C'est l'application à l'insu de l'homme de forces extrêmement puissantes qui le garde prisonnier des conditions les plus prépondérantes sur le plan où il est. Alors, sur la Terre, les conditions les plus prépondérantes qui retardent l'évolution de l'homme ou qui rendent la vie de l'homme difficile, ce sont les conditions matérielles. Dans certains pays, ce sont les conditions politiques. Il y a des hommes dans certains pays qui sont prisonniers de l'inertie de l'intelligence et automatiquement, ils souffrent des conditions politiques qui sont pitoyables. Dans le monde occidental, ce ne sont pas les conditions politiques qui sont la souffrance de l'homme, mais ce sont les conditions de l'économie, la finance. Et dans des aspects qui sont parallèles ou des corollaires de cette situation-là, c'est les conditions de travail, ainsi de suite. Pour que l'homme envisage éventuellement de briser le nœud de la densité d'intelligence, il doit être capable de voir, pas nécessairement de voir sa vie, mais de voir ce qu'il veut faire, même s'il ne le voit pas d'une façon précise. Il doit être capable de voir ce qu'il veut faire dans ce sens qu'il doit être capable de voir ce dont il veut se dépouiller. Au stage, tant que l'homme n'est pas dans la fusion et qu'il est encore dans le combat entre lui-même et son intelligence pure, autrement dit sa volonté et son intelligence, il ne peut pas voir ce qu'il veut faire demain, mais il peut voir ce dont il veut se dépouiller. Elle est là, la clé. Je vous la donne, là, n'est qu'une, cherchez-en pas d'autre. Alors, il y a des choses dans votre vie qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'être créatif. Ça répond à ta question, là, je vous demande à cette question-là, là. Qui vous empêchent d'être créatif, qui vous empêchent, autrement dit, de pulser selon votre propre ordre. Et ces choses-là, ce sont ces choses dont vous devez vous dépouiller. Et le dépouillement de l'homme, c'est proportionnel à sa capacité d'arracher à la vie ce dont il a de besoin. La première étape, c'est de se dépouiller de ce qui le retient. Puis on a, à cause de notre rationalisation, notre rationalisme, notre insécurité, ainsi de suite, on a toutes sortes de façons de, de, de s'imaginer ou de vouloir s'imaginer que la situation de vie dans laquelle on est, on ne veut pas la bouleverser. On se rationalise. Et ça devient difficile pour nous autres éventuellement de nous dépouiller de certains vêtements. Il y a des jobs qui ne fit pas à certains individus. Il y a des carrières qui ne fit pas à certains individus. Ça ne marche pas. Quand même, vous aurez une carrière et ça vous paye tant de salaires par année. Si vous ne souffrez pas au niveau de l'argent, vous allez souffrir au niveau de la créativité dans la carrière. Si vous n'êtes pas capable de vous dépouiller de cette maudite carrière-là pour aller dans une autre qui vous convient, vous allez toujours